La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci d'être là pour le deuxième épisode de notre série dédiée à Jean-Paul Sartre, l'écrivain Jean-Paul Sartre. C'était un enfant de la bourgeoisie qui allait grandir sans père, mais sans considérer cette absence comme un trop terrible coup du sort. Un petit garçon élevé par un grand-père, érudit, et une mère qui l'aimait par-dessus tout, puis un adolescent qui se construit contre son beau-père, cette fois directeur des chantiers navals de La Rochelle, et qu'il trouvait sans intérêt. À l'âge adulte, Sartre prendra le contre-pied de son milieu d'origine et s'affirmera surtout après la Seconde Guerre mondiale, qui constitue pour lui un tournant, comme un intellectuel engagé aux côtés des ouvriers, puis des peuples colonisés. Annie Cohen-Solal nous l'a raconté hier. Jeudi, nous parlerons des voyages de Sartre en URSS, aux États-Unis, mais également un peu partout en Europe avec Simone de Beauvoir. Nous parlerons également de la place du voyage et des voyageurs dans ses livres. Jean-Luc Moreau sera notre guide. Enfin, demain, c'est sur les écrits autobiographiques comme Les mots ou Les carnets de la drôle de guerre que nous nous arrêterons avec l'universitaire Jean-François Louette qui a présenté dans la Pléiade le volume précisément des écrits autobiographiques. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme nous parlons avant tout du Sartre romancier, eh bien c'est un spécialiste de la fiction sartrienne, théâtre comme roman, que nous avons convié. Il s'agit de Michel Conta, l'un des plus grands lecteurs et même serviteurs de Sartre, directeur avec Michel Ribalka de l'édition des œuvres romanesques dans la Pléiade et de bien d'autres ouvrages comme Sartre, l'invention de la liberté chez Textuel ou encore Pour Sartre aux presses universitaires de France. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Pour moi, au contraire, la littérature, certainement, a le dommage d'avoir été écrite par des morts et commentée par des morts. Si on la prend comme vivante, si on cherche à la revivre, à la refaire revivre, il y a une foule de choses qui, encore pour nous, peuvent être utiles. Votre littérature, Jean-Paul Sartre, est commentée par des vivants. Oui, elle est commentée par des vivants en ce moment. Écrite par un vivant. Oui, mais dans 100 ans, si elle existe encore, elle sera commentée. Elle aura été commentée par des morts et moi, je serai mort. Donc, à ce moment-là, vous voyez, je n'ai plus du tout le même rapport avec ceux qui me liront que le rapport que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux soulever leur indignation. Dans 100 ans, petit sourire attendri. Jean-Paul Sartre au micro de Jacques Chancel en 1973. Bonjour, Michel Conta. Bonjour. Sartre est mort le 15 avril 1980, c'était 7 ans. Après cet entretien, et c'était il y a 37 ans, donc pas encore tout à fait 100 ans, est-ce que vous diriez néanmoins que ce que Sartre redoutait est arrivé, c'est-à-dire qu'on lit sa littérature aujourd'hui avec un petit sourire attendri plutôt qu'avec une vraie indignation ? Oh, je crois qu'on le lit aujourd'hui comme un classique, de la même façon qu'on lit Malraux, qu'on lit Céline, qu'on lit Camus. Sartre est un des grands écrivains du XXe siècle. Le XXe siècle est derrière nous. Diriez-vous qu'il exprimait à ce point son époque, que son œuvre a pu, non pas mourir bien sûr, mais s'affaiblir au fur et à mesure que l'époque changeait? Elle n'a probablement plus la même urgence. Sartre, après la guerre, a fait une sorte de manifeste qu'il appelle « Écrire pour son époque ». Où il se résout à disparaître avec son époque. Il a été formé à l'idée d'une littérature qui s'adressait avant tout à la postérité, s'adressait à l'universel. Et puis l'expérience de la guerre lui a appris que nous vivons dans une période historique très déterminée, très précise, très conditionnée par une foule de facteurs, et que donc écrire est une activité comme une autre, qui n'a pas un privilège particulier. Et donc, au fond, il a laïcisé une idée très religieuse de la littérature qu'il avait eue par sa formation. Et donc, il s'est résolu, oui, c'est ça, à écrire pour son époque et éventuellement à disparaître avec elle. Donc il en avait bien conscience. Tout à fait. Pour vous, Sartre, c'était un peu comme Dieu. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Oui, je ne sais pas si je le pensais vraiment. Au début, quand vous étiez très jeune. Non, mais bien sûr, il était ce qu'on appelle un maître à penser. C'est une figure qui a disparu de nos jours. Je ne pense pas que pour qui que ce soit, Michel Onfray représente un maître à penser. Ça représente une pensée à l'œuvre. Sartre appartient à cette génération où les maîtres comptent. Et alors, il a compté pour moi, oui, comme une sorte de guide intellectuel, une boussole éthique aussi. Comme un père spirituel, lui, qui n'avait pas eu de père. Oui, un père spirituel, certainement. Mon père était défaillant du point de vue moral. Et donc, oui, j'avais besoin d'une pensée qui m'éclaire le monde. C'était surtout ça. Et les romans de Sartre, de même que sa philosophie, c'était ça. C'était une lumière portée sur le monde, soudain devenu intelligible grâce à lui. Vous avez raconté votre père, justement, dans un livre qui est paru il y a peu de temps chez Belfond. Chez Bourgois. Chez Bourgois, pardonnez-moi. Est-ce que vous faites référence à Sartre? Est-ce que Sartre fait partie de ce livre d'une façon ou d'une autre? Ah oui, bien sûr. Mon père, qui était un peu une midinette du point de vue de l'admiration qu'il vouait aux gens connus, était très fier, au fond, que j'ai pénétré dans l'intimité d'un prix Nobel. Mais il connaissait très mal la pensée de Sartre. En 1960, vous êtes arrivé à Paris, vous êtes suisse, et vous vous êtes installé sous les fenêtres, disons, de Jean-Paul Sartre. Vous avez attendu qu'il descende. Oui, mon ami Michel Thévaux et moi, nous mangions au restaurant universitaire qui se trouve rue de l'Abbaye. Et Sartre habitait au 42 rue Bonaparte, dont les fenêtres donnaient sur la place Saint-Germain-des-Prés. Alors nous allions prendre le café à la terrasse du Bonaparte, en espérant le voir. Et un jour, nous l'avons vu, en effet, on était avec une amie, Émilienne Farny, une peintre. Quand on a vu Sartre trottiner derrière Simone de Beauvoir, qui était visiblement pressée pour se diriger vers les taxis, Émilienne nous a dit « Bah, allez-y maintenant, puisque vous le voyez ». Alors on a couru derrière lui, au moment où il entrait dans le taxi, il s'est tourné vers nous d'un air affable, et on ne savait absolument pas quoi lui dire. Je crois que ce qu'on voulait lui dire, c'est qu'il comptait pour nous. Que vous l'aimiez. Oui. C'est pas quelque chose qu'on se dit entre intellectuels de gauche. Pas vraiment, non. Et après, vous l'avez plus que côtoyé. Vous avez Alors, je l'ai connu en 1965 grâce à un mémoire de licence de lettres que j'ai écrit sur les séquestrés d'Altona et que je lui avais fait parvenir. Et puis, il m'a invité à venir le voir à Paris. Il m'a très gentiment reçu, on a parlé pendant une heure, et il m'a raccompagné, et après, en attendant l'ascenseur, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit « Sartre, cette phrase que vous faites dire à Johanna dans Les séquestrés d'Altona, « Seuls les fous disent la vérité, l'horreur de vivre, vous pensez cela vous-même » Alors il m'a regardé, il m'a dit « Mais c'est une pensée de la nuit ». Le matin, on se réveille, puis on fait ce qu'on a à faire. Ça a été un sésame pour moi, une parole extraordinairement libératrice. Et il avait raison. Il y a des pensées de la nuit, qui sont d'ailleurs des pensées lucides, et puis il y a ce qu'on a à faire. Vous l'appeliez comme ça, Sartre ? Oui, tout le monde l'appelait Sartre. Personne ne le tutoyait dans son entourage. Même Simone de Beauvoir, vous voyez. Il y avait la philosophie. Mais c'est peut-être pas ce qui vous intéressait le plus chez lui, Michel Conta. C'était peut-être plutôt la littérature qui vous dirigeait vers lui. Oui. Je suis venu à Sartre par la nausée et ensuite par les textes politiques. Sartre lui-même se considérait comme un écrivain d'abord. Il a été un écrivain dont l'unité des œuvres, ce qui en constituait le substrat, était la philosophie. Mais il ne se considérait pas comme un philosophe d'abord. Et Simone de Beauvoir l'engageait à se lancer beaucoup plus dans le roman que dans la philosophie. Elle pensait qu'il n'était pas vraiment doué pour ça. Alors vous avez fait des entretiens avec lui, Michel Contat, qui sont des entretiens fleuves et passionnants, et vous lui avez posé justement cette question, philosophie ou écriture. Voilà un extrait de cet entretien. Mettons que quelqu'un qui ne vous aurait jamais lu et qui voudrait prendre connaissance de votre pensée, vous demandez par quoi commencer. Vous indiqueriez plutôt un ouvrage littéraire ou un ouvrage philosophique? Je dirais La Nausée et les articles de Situation. Je pense que s'il avait lu tout Situation, y compris le 10e volume que j'y ajouterai tôt ou tard, il serait en état d'aborder aussi bien mes romans que ma philosophie. Pourtant, dans La Nausée, vous êtes bien loin de vos positions, par exemple, politiques actuelles. Je ne faisais pas de politique à l'époque. Alors, Michel Contat, romancier d'abord, Sartre. Oui, d'abord, il a commencé très jeune, à l'âge de 18 ans. Il a publié dans une revue d'étudiants qui s'appelait La Revue sans titre, les premiers chapitres d'un roman qui s'appelle Jésus la Chouette, roman qu'il a d'ailleurs achevé, que nous avons publié beaucoup plus tard, et qui est un roman satirique du milieu dans lequel il évoluait. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal qui le représente est aussi traité sur le mode satirique. C'est-à-dire que Sartre avait très fort le sentiment de dérision. Et le personnage de Roquentin dans La Nausée, qui est son alter ego, bien sûr, mais il n'est pas présenté comme un personnage dense et positif. Il est présenté comme quelqu'un qui vit la douloureuse expérience de la contingence, qui est l'expérience de base de Sartre. La contingence, qu'est-ce que c'est? Ça s'oppose à la nécessité. C'est ce qui pourrait tout aussi bien ne pas être. Et La Nausée, c'est une façon de vivre la contingence jusqu'à la lie, jusqu'à la nausée, justement. La contingence de sa propre existence. Il en prend conscience face à la racine d'un marronnier. On parlera peut-être de la nausée plus particulièrement tout à l'heure, mais pour placer peut-être déjà les grands axes, dire peut-être que l'artiste, chez Sartre, l'emporte sur le philosophe, et ça on le sent chez l'écrivain par la chair qui est très présente dans ses romans, Michel Contat. Oui, bien sûr. Sartre est tout sauf un romancier abstrait, un romancier à thèse, comme on l'a souvent accusé de l'être. Je vous parlais de Jésus la Chouette, ce premier roman. Le deuxième roman qu'il écrit, qui s'appelle Une défaite, le met en scène sous les traits d'un normalien qui s'appelle Frédéric, comme Frédéric Nietzsche, qui entre dans la vie personnelle d'un maître qui s'appelle Organte et qui est une sorte de Wagner de notre époque. Frédéric s'éprend de la femme d'Organte qui s'appelle Cosima. Et donc là, c'est encore une fois un roman de contestation de l'auteur par lui-même. Ça, c'est très important. Ne jamais adhérer à soi, et c'est, ni au personnage qui vous représente. Pourquoi c'était si important? C'est pour éviter la pire des choses pour Sartre, qui est l'esprit de sérieux, qui est de se vivre comme une chose nécessaire, comme un être de droit. L'esprit de sérieux, qui, poussé à la limite, devient celui des notables, des gens qui sont persuadés de remplir un rôle essentiel dans la société, d'avoir donc droit à l'existence et au respect et à la soumission de l'entourage, eh bien, à la limite, ça devient ce que Sartre appelle un salaud. C'est le mauvais objet pour Sartre, le salaud. C'est ce qu'il ne veut pas être. Mais il a peur d'être un salaud? C'est ça qui le gêne tellement? Non, on est tous guettés par cette espèce de fantôme qui est la mauvaise foi, qui est de se vivre soi-même comme justifié. Oui, il a sans doute traqué en lui le salaud, pour définitivement l'éliminer, mais c'était aussi une façon de se dire solidaire des artistes, des exclus de la société. Au fond, ce qu'il vomissait, c'était le monde incarné par son beau-père, comme vous l'avez dit, directeur de chantier naval, un ingénieur, un scientifique, par ailleurs un homme de bien et un homme honnête, mais qui aurait voulu que Sartre choisisse justement plutôt la science et le professorat, enfin tout ce qu'il y a de sérieux dans la vie, alors que son grand-père, Charles Schweitzer, germaniste réputé, l'avait encouragé à écrire tout en lui disant qu'il fallait qu'il ait un métier et que ce métier ne pouvait être que celui de professeur de lettres. Mais tout de même, on va parler tout à l'heure plus précisément de l'âge de raison. Mais sur cette question de la peur qu'avait peut-être Sartre, c'est une question que je vous pose, d'être lui-même un salaud, il y a tout de même, au début de l'âge de raison, ce sentiment de culpabilité qu'a le personnage de Mathieu, qui donne une pièce à quelqu'un qui en a besoin. La personne lui dit, allons boire un verre, je vous l'offre. Et le personnage de Mathieu dit, non, moi je n'ai pas le temps. Et puis finalement, ça c'est son monologue intérieur, qu'est-ce que je dirais à cette personne? Et on sent en même temps cette culpabilité de ne pas être suffisamment ouvert aux autres. Or, on sait que Mathieu, comme beaucoup des personnages de Sartre, c'est un peu Sartre. Et on sent cette culpabilité, cette peur d'être un salaud, Michel Contat, chez lui. Oui, peur de s'identifier à ce que sa classe d'origine voulait faire de lui, c'est-à-dire un bon bourgeois. Donc, peur d'être un bourgeois. Peur d'être un bourgeois. Ça, c'est en effet sa hantise. Et pourtant, sa mère, qui était une bourgeoise, était sans doute quelqu'un de formidable pour lui. Ah, il a adoré sa mère, mais en même temps, il dit avoir rompu avec elle au moment de son remariage, parce qu'il se sentait trahi. Et trahi, justement, au profit d'un bourgeois fier de l'être. Et donc ça, ça insupportait le jeune Sartre. Donc oui, toute sa vie peut s'expliquer, ou se comprendre plutôt, par ce refus profond d'être identifié à une classe d'oppression. Vous diriez, Michel Contat, que les romans de Sartre se prêtent à des interprétations qui seraient des interprétations psychanalytiques? Oui, certes. Par exemple, Roquentin, on a pu dire qu'il était fou, que sa crise existentielle était en fait un épisode de ce qu'on appellerait aujourd'hui une maladie maniaco-dépressive. C'est le personnage de la nausée. Le personnage de la nausée, oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne vit pas sereinement. Et puis Mathieu, lui, qui est quelqu'un de beaucoup plus calme, qui est plus intégré au monde qui est le sien, c'est-à-dire il est professeur de philosophie, comme Sartre lui-même. Peut-être chez lui, ce qu'on peut découvrir, c'est un refus de vieillir. Et ce qui le fait, c'est prendre d'une très jeune fille, la sœur d'un de ses élèves. Il n'est pas si vieux, il a à peine 40 ans, Mathieu. Mathieu, il a 35 ans, ouais. Oui, c'est ça, oui. Ça, d'ailleurs, le roman hésite entre 33 et 35. Il a l'âge qu'a Sartre au moment où il l'écrit. Mathieu, c'est certainement un alter ego de Sartre. Il l'a dit lui-même que c'est lui, mais amputé de ce qui fait l'essentiel de son être, qui est le désir d'écrire et l'écriture comme pratique professionnelle. Alors je vois que vous avez envie, et nous aussi, de rentrer déjà dans les romans, mais je pense qu'il y a encore des généralités à dire sur les romans de Sartre. Peut-être la question de la liberté. Quelle est la liberté laissée au lecteur par Sartre, qui a beaucoup accusé les autres écrivains de ne pas laisser suffisamment libre leurs personnages. Bon, alors, il y a chez Sartre, disons, une théorie de la liberté qui s'exprime dans L'être et le néant. Et puis, il y a la mise à l'épreuve de cette liberté, la mise à l'épreuve concrète, dans une expérience romanesque. Alors, on a pu dire que, à juste raison, que L'être et le néant est un roman philosophique et que Les chemins de la liberté sont une œuvre philosophique romanesque. Les deux propositions sont valides. C'est très différent. C'est-à-dire que les deux œuvres sont sous-tendues par une même quête, par une même interrogation sur qu'est-ce que c'est que la liberté. Parce que la liberté, c'est une expérience qui est vécue la plupart du temps dans l'angoisse, parce que la liberté implique le choix. Le choix ne s'impose pas. La responsabilité. La responsabilité résultant du choix fait. Cette expérience de la liberté, Sartre veut l'exprimer de plusieurs façons différentes. Par le roman, en mettant ses personnages dans des situations où les choix ne s'imposent pas, où la situation est suffisamment ambiguë pour que tout se pose de façon problématique. Alors c'est en cela, que le romancier Sartre fait appel à notre liberté de lecteur pour que nous épousions les interrogations, les incertitudes, les doutes des personnages. On va écouter un extrait de La Nausée avant de continuer notre conversation. Il est 1h30. Je suis au café Mably. Je mange un sandwich. Tout est à peu près normal. D'ailleurs, dans les cafés, tout est toujours normal. Et particulièrement au café Mably. À cause du gérant, M. Fasquelle, qui porte sur sa figure un air de canaillerie bien positif et rassurant. C'est bientôt l'heure de sa sieste, et ses yeux sont déjà roses, mais son allure reste vive et décidée. Il se promène entre les tables et s'approche en confidence des consommateurs. C'est bien comme cela, monsieur ? Je souris de le voir si vif. Aux heures où son établissement se vide, sa tête se vide aussi. De 2 à 4, le café est désert. Alors M. Fasquelle fait quelques pas d'un air hébété. Les garçons éteignent les lumières et ils glissent dans l'inconscience. Quand cet homme est seul, il s'endort. Some of these days, you're gonna miss me, honey. Some of these days, you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing. You'll miss me, baby. You know, baby, you've had your way. And when you leave me, you know it'll grieve me. You'll miss your little brown-haired, blue-eyed baby some of these days. La compagnie des auteurs sur France Culture. Vous savez pourquoi on passe cette musique, Michel Conta, après cet extrait de La Nausée ? Mais oui, parce que dans La Nausée, il y a un air de jazz qui s'appelle Some of These Days, qui est chanté par une négresse et qui incarne pour Sartre l'aspiration à la liberté à travers la création. Parce que Some of These Days, ce qui veut dire un de ces jours, je te manquerai, c'est ce qu'il a voulu être pour ses lecteurs. Quelqu'un qui manque. Alors parlons un peu de La Nausée, 1938, c'est pas le premier roman écrit par Sartre, mais c'est le premier roman publié, il a beaucoup peiné sur ce livre. Beaucoup, il a eu plusieurs versions différentes, il l'appelait le factum sur la contingence, puisque comme je vous l'ai dit, l'expérience que vit son personnage, c'est la contingence. Alors Simone de Beauvoir l'a beaucoup encouragé à éviter le côté, comment dire... tour de piste philosophique qu'il avait donné d'abord à ce livre pour accentuer son côté roman américain, c'est-à-dire la résolution d'un mystère quasiment policier. Qu'est-ce qui lui arrive à ce Roquentin ? De quoi souffre-t-il ? Quel est son problème d'une certaine manière ? Oui, oui. Et c'est résolu alors dans le livre ? Non, c'est pas résolu, mais à la fin, Roquentin entrevoit une solution grâce à Some of These Days. C'est de peut-être arriver à créer quelque chose qui serait comme le fil tendu d'une liberté. Donc il y a des moments de révélation, qui sont des révélations de type philosophique. Oui, il y a cette révélation plutôt horrifiante de la contingence, et puis ensuite il y a la révélation... Mais pourquoi c'est horrifiant alors ? Dites-nous un petit peu quoi la contingence est très parce horrifiante. Que au fond, pour quelqu'un qui se vit comme une créature de Dieu... Sa vie est justifiée. Elle est justifiée. Il y a un plan qui a présidé à sa naissance et il va, en y mettant du sien, réaliser son destin d'homme en obéissant à la loi divine. Pour quelqu'un qui ne croit pas et qui fait l'expérience qu'il existe pour rien, sans but, que si un but il y a, ce sera celui qu'il se donne, et de façon totalement injustifiable aussi. Eh bien, ça ne va pas sans angoisse. Et donc, l'expérience de la contingence est aussi l'expérience de l'angoisse. Donc, la contingence, par exemple, c'est avoir des maîtresses. Ça fait partie de la contingence, parce que c'est pas nécessaire, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, alors, là, soyons clairs. Sartre a inventé, dans sa relation avec Simone de Beauvoir, l'idée d'un amour nécessaire qui subsiste envers et contre tout, parce qu'il est, comment dire, la reconnaissance chez l'autre de sa propre liberté. Et puis, il y a les amours contingentes, c'est-à-dire celles qui pourraient ne pas être. Et il en a eu quantité. Mais Beauvoir aussi. Beauvoir a été, disons, plus profondément amoureuse de Nelson Algren, de Claude Lanzmann. Sartre a eu beaucoup d'amantes. J'aime pas le mot maîtresse. Ça vous rappelle trop l'école. Vous dites aussi, Michel Conta, que ce roman, La Nausée, est un anti-roman. En quoi est-ce un anti-roman ? D'abord parce que sa forme est celle d'un journal intime. C'est le journal de Roquentin. Et puis, un roman implique plusieurs personnages pris dans un réseau de relations affectives problématiques. Roquentin est un homme seul. Il n'a de relation qu'avec un personnage un peu étrange qu'il appelle l'autodidacte. Et puis, il a voué sa vie à la reconstitution de la trajectoire historique d'un personnage qui ressemble un peu à Talleyrand, qui s'appelle le marquis de Rolbon. Et puis, il se rend compte qu'en fait, que cette tentative historique a consisté à justifier sa propre vie par l'écriture d'une autre vie, et puis que ça ne rime à rien. Donc il renonce à ce livre, il l'abandonne. C'est pourtant la connaissance, c'est oui, mais la recherche universitaire. Roquentin est plutôt un aventurier qu'un intellectuel, qu'un chercheur. Au fond, il s'est lancé dans cette entreprise d'historien un peu par hasard. Et il en comprend assez vite les limites. Et donc... vraisemblablement, ce vers quoi il se dirige, ce sera un roman. Mais évidemment, on ne sait pas s'il l'a jamais écrit. Alors, vous avez évoqué ce personnage de l'autodidacte, qui est un socialiste amoureux de la communion humaine et qui finit de façon assez ambiguë, puisqu'il est surpris à la bibliothèque à toucher la main d'un enfant d'une manière sans doute un peu trop équivoque, et il est ensuite lynché par les gens de la bibliothèque. Pourquoi cette scène se trouve-t-elle dans ce roman La Nausée, et quel lien a-t-elle finalement avec ce que souhaite démontrer au fond Jean-Paul Sartre? Eh bien, ce personnage de l'autodidacte OJP, dont on ne sait pas grand-chose, sinon que il lit par ordre alphabétique les livres de la bibliothèque de Bouville. Bouville, c'est Le Havre. Oui, où Roquentin fait ses recherches. La solidarité que Roquentin éprouve pour l'autodidacte, c'est celle qu'on peut éprouver pour un exclu, pour un personnage marginal qui n'a aucune intégration quelconque, et puis qui, oui, est vraisemblablement homosexuel, pédophile, et se laisse aller à un geste déplacé, et puis ensuite est battu par le gardien de la bibliothèque. Enfin, tout ça est assez sinistre et violent. Et on éprouve de la compassion pour cet autodidacte, qui est un personnage en même temps un peu ridicule. Au fond, comment dire, pour le héros qu'est Roquentin quand même à nos yeux, l'autodidacte, c'est la face inverse. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Michel Contat, nous allons évidemment poursuivre cette conversation sur les romans de Sartre, mais avant cela, allons voir ce qu'il se passe du côté des revues et des magazines, avec aujourd'hui Eric Fotorino, directeur du 1, mais aussi d'America. Bonjour Eric. Bonjour Mathieu. Alors le 1 d'abord, avec cette semaine les dessins de Johan Svaar qui illustrent votre numéro spécial Premier Tour. Oui, on a eu cette initiative assez sympathique et on ne savait pas à quoi on pouvait s'attendre parce que Johan Svaar, c'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'il arrive dans une rédaction, eh ben n'en fait qu'à sa tête, n'en fait qu'à son crayon. Et on l'a laissé nous observer surtout l'écran de télévision pendant cette soirée du Premier Tour. Et on a vu comment il notait par exemple qu'un grand silence s'était fait au moment où le score de Marine Le Pen a été annoncé. Il y a eu un grand silence. Il dit les journalistes mangeaient et on n'a entendu plus que les bruits des fourchettes. Et il y a eu ce silence. Et puis, évidemment, il y a... Il a dessiné le silence, alors ? Il a, à sa manière, dessiné le silence, vous avez raison. Et d'ailleurs, sa manière de faire à Johan Svaar, c'est il arrive avec... Il a un carnet pour sa soirée. Il a son encrier, son sort de crayon-stylo. Et puis, comme ça, sans rien dire, il est là. Il a fait 26 dessins numéro qui nous a laissé à la fin et dit ben, « vous faites comme vous voulez ». Et donc on les a scannés et puis on a donné ce résultat. Alors un écrivain, Serge Joncourt, lui s'est perdu dans les marges d'erreur. Voilà, Serge Joncourt, vous savez, c'est ce romancier, je dirais, des marges justement. Et il a écrit un texte, je trouve, à la fois très poétique et en même temps très réaliste, qui s'appelle « Voyage au cœur de la marge d'erreur ». Il commence 25 jours avant le premier tour, il termine au jour J. Et il nous dit combien, entre la marge d'erreur, le vote caché, les courbes qui se croisent, finalement, c'est un enfer à vivre. Alors, il capte des conversations dans un train. Est-ce que Hamon est passé très derrière Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un vote caché Fillon, etc. Et on voit toutes les angoisses et à travers ce regard très aiguisé et très fin, on voit ce qui a pu s'emparer de nombreux Français, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Et il nous dit quelque chose à la fin. Il dit, le grand tort, alors c'est à 20h, après 20h, le grand tort ce soir serait bien de croire qu'à compter de maintenant, il n'y a plus de marge d'erreur. Alors que si, elle est encore là. Et en un sens, c'est tant mieux, parce qu'elle me tient éveillé. La marge d'erreur, c'est le suspense, il n'y a pas de doute. Vous faites référence également, toujours dans le 1, à Lao Tzu, parce que Macron aurait fait une campagne, paraît-il, digne d'un grand stratège comme Lao Tzu. Oui, alors vous savez, chaque semaine, depuis le début du 1, hein, qui a maintenant son numéro 152, donc 3 ans, eh bien Louis Chevalier, qui est poète, éditeur, choisit une poésie qui colle le mieux possible à l'actualité que nous traitons. Et donc là, Louis Chevalier a choisi un extrait du Tao Te King, hein, de Lao Tzu, et il dit que finalement Macron a suivi une sorte de conseil de Machiavel libéral qui est explicité dans ce Lao Tzu, qui dit « c'est par le non-faire qu'on gagne le monde entier. Et il a cette phrase qu'on connaît sûrement tous, on régit un grand état comme on fait frire un petit poisson. Autrement dit, ne pas rayonner, sans, ne pas s'exhiber, s'imposer sans s'affirmer, esquiver plutôt que frapper. Et c'est comme ça qu'un Machiavel libéral peut mouvoir le peuple sans trop le bouger. Alors politique encore, mais cette fois de l'autre côté des États-Unis, il faut quand même dire aux auditeurs qui ne l'ont pas vu encore, s'ils ne sont pas allés en librairie depuis quelques semaines, que vous lancez donc America, vous allez y parler de l'Amérique pendant les 4 prochaines années, qui correspondent donc au mandat du président américain actuel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est que ce projet ? Oui, la genèse, c'est un homme qui aimait les livres, la littérature et les États-Unis, François Bunel, qui m'a proposé de lancer ensemble ce beau projet. Et effectivement, on s'est dit que après le Brexit en Grande-Bretagne, après l'élection de Trump, il serait bon de faire intervenir pas seulement des journalistes, des grands reporters, mais aussi des écrivains. Donc c'est un peu le 1, mais voilà, revisité. C'est l'idée du 1, un seul sujet, beaucoup d'écrivains, pas de publicité. Complètement indépendant. Et donc, on commence avec un grand entretien avec Toni Morrison, un cri d'alerte de Colm McCann, et puis un certain nombre de reportages. Et aussi, on revient sur des grands romans de Philip Roth, de Sinclair Lewis, de Bret Easton Ellis aussi, pour raconter l'Amérique où on parlait déjà de Trump il y a 20 ans, 50 ans. Et vous vous souvenez du complot contre l'Amérique de Philip Roth, où le Lindbergh est finalement une sorte de Trump avant l'heure. Bon, très beau magazine, maquette superbe, c'est un trimestriel. Ça coûte 19 euros. Merci beaucoup, Eric Fotorino. À très bientôt. À bientôt. Continue de parler des romans de Sartre dans la compagnie des auteurs jusqu'à 15h55 avec Michel Conta, qui les a notamment édités dans la Pléiade avec Michel Ribalka. Et parmi ces romans, arrêtons-nous sur le cycle Les Chemins de la Liberté, avec cet extrait de la transformation du personnage de Mathieu, l'intellectuel dont on a déjà commencé à parler, en sniper qui tire du haut d'un clocher sur les soldats allemands. 15 minutes. Je donnerais n'importe quoi pour tenir 15 minutes. Oh, nom de Dieu, il ne sera pas dit que nous n'aurons pas tenu 15 minutes. Il s'approche du parapet et se met à tirer debout. C'est une énorme revanche. Chaque coup de feu le venge d'un ancien scrupule. Un coup sur Mella que je n'ai pas osé voler. Un coup sur Marcel que j'aurais dû plaquer. Un coup sur Odette que je n'ai pas osé baiser. Celui-ci pour les livres que je n'ai pas osé écrire. Celui-là pour les voyages que je me suis refusé. Cet autre sur tous les types en bloc. J'avais envie de détester, que j'ai essayé de comprendre. Il tire. Les lois volent en l'air. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point dans cette gueule de con, tu ne tueras point. Pense sur le faucheton d'en face. Il tire sur l'homme, sur la vertu, sur le monde. La liberté, c'est la terreur. Le feu brûle dans la mairie, brûle dans sa tête. Les balles sifflent. Libre comme l'air. Le monde sautera. Moi avec. 14 minutes 30 secondes. J'ai plus rien à demander. Sauf un délai d'une demi-minute. Juste le temps de tirer sur le bel officier si fier qui court vers l'église. Il tire sur le bel officier, sur toute la beauté de la terre, sur la rue, sur les fleurs, sur les jardins, sur tout ce qu'il a aimé. La beauté fait un plongeon obscène. Et Mathieu tire encore. Il tue. Il est pur. Il est tout puissant. Il est libre. Mathieu qui fait la guerre, qui se bat contre les Allemands, mais qui se bat surtout contre lui-même. Quel est l'enjeu, Michel Conta, de l'évolution du personnage de Mathieu au fur et à mesure des tomes de cette série, finalement, fleuve de Jean-Paul Sartre, Les Chemins de la Liberté? Alors, vous avez entendu ce passage qui termine le premier cycle dans Les Chemins de la Liberté, qui est, comme vous l'avez dit, un roman fleuve. La liberté, c'est la terreur à ce moment-là. Mathieu est un personnage qui, pendant tout le déroulement du roman, vit à contre-cœur, ne réalise pas ses ambitions, qui sont d'ailleurs peu claires, qui éprouve une passion malheureuse pour une très jeune fille, qui en effet devrait quitter sa maîtresse enceinte, mais n'ose pas le faire, qui ne croit pas vraiment à la valeur de son métier. Au fond, qui n'a jamais réussi à coïncider avec sa liberté. Et là, oui, il coïncide, mais en tirant, en tuant. Alors, c'est une vision très catastrophiste de la liberté. Enfin, c'est plus une vengeance, finalement, sur tout ce qu'il n'a pas réussi à c'est faire ça. Lui-même. Oui, il tire sur lui-même en tuant. Alors, on pouvait penser que Mathieu était mort sur ce clocher, qu'il sera abattu par les Allemands sur lesquels il tire. Mais, en fait, dans la partie inédite des Chemins de la Liberté, qui devait s'appeler La Dernière Chance, il y aurait eu un quatrième volume après La Mort dans l'âme, et puis peut-être même deux ou trois, mais le dernier, de toute façon, ce serait appelé La Dernière Chance. Eh bien là, on aurait retrouvé Mathieu, cette fois dans un camp de prisonniers, organisant la résistance, trouvant finalement dans l'action une justification plausible de sa propre existence. Donc, ce moment de terreur, ça n'est qu'un moment. Mais comme le roman est inachevé, pour nous lecteurs, ça se termine là-dessus pour ce qui est de Mathieu. Parce qu'ensuite, dans la suite parue de La Mort dans l'âme, le personnage principal devient Brunet, militant communiste, prisonnier de guerre. Et on a les scénarios, on a même des passages rédigés de la quatrième partie, et là, on voit en effet que Sartre aurait abordé, disons, ce qu'on pourrait appeler les problèmes concrets de la liberté, c'est-à-dire ceux de l'engagement dans l'action. Donc, il y a l'âge de raison, suivi du sursis, suivi de la mort dans l'âme, et donc Drôle d'amitié, qui est ce chapitre qui ne sera pas publié, puisque le dernier tome n'est pas publié. Est-ce que ce livre qu'il écrit donc avant-guerre et pendant la guerre, l'aurait-il écrit différemment 10 ans après? Parce que Sartre a expliqué que la guerre avait tout changé pour lui. Ben oui, d'abord, il a hésité un moment à sauter carrément 10 ans après la libération pour prendre ses personnages dans les problèmes de l'après-guerre. Et c'est Simone de Beauvoir qui a réalisé ce projet avec Les Mandarins, qui décrit le milieu intellectuel parisien des années 50. Et donc, comme Simone de Beauvoir l'avait fait et bien fait, il n'y avait plus de raison que Sartre le tente à son tour. Donc, ce roman qu'il n'a jamais très délibérément abandonné, c'est pas une décision qu'il a prise, bon, j'arrête, c'est il a constaté qu'il arrêtait au fur et à mesure que le projet évoluait dans sa tête, qu'il en rédigeait des parties. Là, on a récemment, la Bibliothèque nationale a récemment acheté un manuscrit de 200 pages qui appartient au quatrième tome inédit de La Dernière Chance. On va probablement le publier. Tout ça est très intéressant, mais montre au fond que le projet même de Sartre avec Les Chemins de la Liberté, qui était de faire un roman sur l'actualité. Et il le commence en 1938, en juin 1938, et c'est la date du roman lui-même. Et donc, au fur et à mesure, l'histoire entre, le roman est, comment dire, phagocyté et modifié rétrospectivement par l'histoire. Donc, quand se produit la crise de Munich, avec cet abandon des démocraties face à Hitler, ce qui est un sursis pour la guerre. Quand se produit ensuite la guerre, la défaite de la France, l'occupation allemande, puis la libération, tout ça. Le roman n'arrive pas à suivre l'actualité qu'il a décidé, dont il avait décidé, somme toute, de faire le reportage romanesque. C'est ça l'idée. Hein. Et un reportage qui serait même un reportage télévisé. Vous dites que c'est un roman qui est, par bien des aspects, cinématographique. Oui, oui, tout à fait. Notamment le sursis. D'abord, l'âge de raison qui obéit à une technique romanesque inspirée du cinéma où chaque personnage, enfin pas tous les personnages, mais disons chaque chapitre est raconté du point de vue d'un personnage dont on a aussi les sentiments, les interrogations intérieures. Et puis pour le sursis, Sartre procède comme s'il était un réalisateur de télévision qui aurait en face de lui une centaine d'écrans captant les images filmées par des caméras dans le monde entier, et puis que il devant ce mur d'images, il raconte une histoire en la saucissonnant, prenant ce qui se passe sur un écran et ensuite sur un autre. C'est une technique très très astucieuse pour laquelle il procède de façon cinématographique encore par un montage par association d'idées ou de visions. Sartre a eu très tôt une réflexion sur les techniques romanesques. Nous avons publié il n'y a pas longtemps dans la revue Études sartriennes les conférences qu'il a données en 1932 à la Lyre à Avraise, une salle de spectacle au Havre, sur les techniques des romanciers contemporains. Gide, Huxley, Virginia Woolf. Ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque. Oui. Dos Passos, Jules Romain, etc. Il était donc très attentif aux techniques romanesques et très lucide quant à ses propres moyens. Disons que ses conférences montrent un artisan romancier en train d'inventorier ses outils possibles. C'est très intéressant. Et donc c'est un romancier très conscient de sa technique et conscient des effets que ces techniques peuvent entraîner. Philosophers and poets have long called Paris home. Famous chefs and writers, the Paris streets still roam. We have never been there. Why? I can't explain. Now our kids are off to college, and we're taking the next plane. I want to sit where Sartre sat. We'll sip espressos and we'll chat about life's emptiness and misery. We'll see that Moulin Rouge. We're gonna drive there in our Peugeot. That's French for car, take it from me. I want to sit where Sartre sat, par Paul James France. Je vais vous faire écouter cette chanson, Michel Conta, que vous connaissiez peut-être déjà. Vous dites que l'ambition de Sartre est énorme. Elle est énorme parce que elle est à la fois philosophique et en même temps, elle est purement littéraire. Et Sartre a dit, il n'est plus temps de décrire ni de narrer, nous ne pouvons pas non plus nous borner à expliquer. Donc si on ne peut plus ni décrire, ni raconter, ni expliquer, comment écrire un roman, Michel Conta ? En nous faisant vivre quelque chose sur le mode de la compréhension. C'est pas du tout l'explication. L'explication, ce serait finalement l'interprétation psychanalytique. On explique tel acte par telle pulsion. Lui, non, il veut nous faire partager une expérience et nous la faire vivre et nous la faire éprouver affectivement et presque sensuellement. C'est un exercice d'empathie ? Oui, c'est ça. Si l'empathie, c'est essayer d'éprouver ce que l'autre éprouve, oui. C'est bien ça, oui. Quel regard portait-il sur ces romans rétrospectivement quand vous l'avez interrogé longuement, quand vous l'avez fréquenté aussi, vous avez dû en parler? Est-ce qu'il trouvait qu'il avait réussi ce qu'il souhaitait faire avec d'abord La Nausée, puis Les Chemins de la Liberté? Avec La Nausée, oui. Il a eu le sentiment d'avoir écrit exactement le roman qu'il souhaitait écrire. Pour Les Chemins de la Liberté, c'est différent, c'est-à-dire qu'il a fini par adopter le jugement sévère de la critique sur ce roman. Je lui rappelais le mot de Mauriac disant que l'article de Sartre sur lui, Mauriac, l'avait découragé d'écrire des romans. Et il m'a dit, ça a été un peu l'effet que j'ai eu en lisant les critiques du roman. Il l'appelle le roman quand il parle des Chemins de la Liberté. Il a donc pensé que c'était un échec. Et aussi du fait de son inachèvement. Alors moi, je lui disais, non, mais vous trompez ça. D'abord, l'inachèvement est constitutif du projet lui-même. À partir du moment où on veut intégrer l'histoire et l'actualité dans un roman, eh bien, forcément, il est inachevable, puisque l'histoire n'est pas achevée. Et je trouvais, moi, que ces trois romans, très différents, même si la technique est fondamentalement la même, mais comme elle est utilisée de façon très différente, sur un mode relativement lent dans L'Âge de raison, sur un mode précipité, un rythme d'un jazz très très très très rapide pour Le Sursis, et puis sur un mode plus élégiaque dans La Mort dans l'âme, eh bien, ces romans ont leur grandeur. Moi, je les aime beaucoup. Et j'ai essayé de persuader Sartre qu'ils se trompaient en estimant qu'ils avaient échoué. Cela dit, Sartre ensuite a renoncé à écrire des romans. La littérature, pour lui, ça a consisté finalement à substituer aux romans d'abord des biographies et ensuite l'autobiographie. Et ça, c'est un mouvement tout à fait passionnant à suivre dans l'évolution de l'activité de Sartre écrivain. Parce qu'il a abouti finalement à cette œuvre tout à fait singulière, un peu monstrueuse, qu'est L'Idiot de la famille, qui est à la fois une biographie de Flaubert, un essai d'interprétation historique d'un personnage, et puis, somme toute aussi, par les mécanismes de projection qui sont à l'œuvre, une sorte d'autobiographie intellectuelle aussi. Donc ce dernier livre, d'ailleurs inachevé lui aussi, l'inachèvement marque un peu l'œuvre entière de Sartre, mais il ne faut pas le dire à son détriment. Ça fait partie même de sa vitalité. Eh bien, L'Idiot de la famille reste une expérience de lecture prodigieuse que j'invite beaucoup nos auditeurs à faire. Mais vous lui aviez posé la question, pourquoi, Sartre, n'avez-vous pas continué à écrire de la fiction pure? Alors, il gardait comme ça, au fond de son esprit, il gardait l'idée de terminer par une nouvelle qui aurait été son testament politique et aussi son testament, disons, moral. Une nouvelle qu'il aurait mis en scène lui-même, disons, à travers un personnage qui est très proche de lui. Et il a très clairement pensé la substitution de l'autobiographie au roman. Ça, oui, il savait d'ailleurs, en écrivant Les Mots, qui devait être d'ailleurs que le début d'une longue autobiographie qui devait reconstituer sa trajectoire intellectuelle, qui devait expliquer comment un enfant de la bourgeoisie cultivée finalement devient un penseur révolutionnaire, en tout cas profondément anti-establishment, anti-bourgeois, eh bien, il a interrompu cette tentative avec le récit de son enfance. Ça nous fait une formidable transition vers demain. Merci beaucoup Michel Contat de nous avoir parlé, comme vous l'avez fait, des romans de Sartre que vous avez notamment édité dans la Pléiade. Je signale par ailleurs votre livre dont on parlait tout à l'heure, La vie côté père, qui raconte l'histoire de votre père. C'est donc aux éditions Christian Bourgois. Demain, chose promise, chose due, les textes autobiographiques, ce sera avec Jean-François Louette qui les a édités en Pléiade. Mais tout de suite, comme chaque jour, voici le moment des lectures poétiques de Jacques Bonafé. Bonjour, nous parlons de Franck Venaille. Nous nous quittions hier en citant Jules Laforgue, son spleen non baudelairien parce que piqué d'humour parfois sonore ou langagier. Embrayons. Dimanche, de Jules Laforgue. Le ciel pleut sans but, sans que rien l'émeuve, il pleut bergère sur le fleuve. Ce fleuve, c'est peut-être l'escaut de Franck Venaille. Le fleuve a son repos dominical, pas un chaland en amont, en aval. Les vêpres carillonnent sur la ville, les berges sont désertes sans idylle. Passe un pensionnat, si pauvre cher. Plusieurs ont déjà leurs manchons d'hiver. Une qui n'a ni manchon ni fourrure, fait tout en gris une pauvre figure. Et la voilà qui s'échappe des rangs et court. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui prend ? Et elle va se jeter dans le fleuve. Pas un batelier, pas un chien, Terre-Neuve. Le crépuscule vient, le petit port allume ses feux, a connu le décor. La pluie continue à mouiller le fleuve. Le ciel pleut sans but, sans que rien l'émeuve. Extrait de la descente de l'Escaut, Franck Venaille. Oh, le marcheur d'eau, il étreint le froid, il étreint le vide, il a peur du vide, craint de ressembler au jonc, il guette le vide, le givre avec sa tête de mouton, l'enserre et le cerne. Dure est cette angoisse de la bête perdue qui étreint le froid, qui étreint le vide. L'écluse fermée, on y regarde l'eau dans les yeux, étreignant le froid, étreignant le vide. Marcheur, ô sentinelle, noctambule de la grande cérémonie fluviale, ô commandant sans navire, sans joie vraie, mais qui avance. Marcheur sentimental, toutes ces capitaineries, ces ports à investir, toutes ces écluses à ouvrir, avec ta clé géante, ces douves que tu combleras dans la solitude des hommes de quart, oh, nous devons comprendre ce paysage, admettre ce qu'il offre d'étrange, oh, nous devons partir à la recherche de nos morts, de notre moi enfoui si gras dans la terre qu'il geint, la bouche pleine, nous terrifie avec sa face d'amant. Ici, c'est juste un souterrain d'où suinte l'eau blanche encore, la blessure première, source, des marches à descendre. L'homme, l'eau, il se fit un grand tapage de prémonitions diverses et chacun y alla de son acte manqué. Marcheur, je le suis. Marcheur, je progresse dans les souterrains du château, espérant ce ray de lumière qui m'enlèvera tous mes doutes. J'aimais cette béance, ce fut immédiat. Elle annonçait blessures à venir, charpie, garrot, cette souffrance identique pour un comte de Flandre ou un berger niais. Tendresse des troupeaux, vous broutez sans douleur apparente des épines qui pourraient déchirer le géniteur qui perdure en moi. Père des eaux, père de ce silence qui enveloppe la sortie soudaine de ce liquide qui croît, s'élargit, cherche sa voie entre deux prairies et devenu canal accueillera des péniches. Ô source. Jacques Bonafé, dans quelques secondes sur France Culture, il sera 16h et vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique et Nicolas Martin. Très bon après-midi à toutes et à tous.